Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Comment parler d'une décennie que nous avons connue? Ce n'est pas simple, car nous y mettons de nous, de nos engagements, de notre humeur, de nos peines, de nos amours. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'une décennie? Une période de 10 ans, bien sûr, mais quand l'affaire débutait, là, c'est plus difficile. Les spécialistes du calendrier vont dire le 1er janvier 1991, et oui, il n'y a pas d'année zéro. Ah, les historiens, eux, vont parler sans doute du 9 novembre 1989, quand chute le mur de Berlin. Et quand finit-elle? Avec l'effondrement de deux tours, sans doute. Mais entre les deux, il est difficile de saisir l'impalpable, l'air du temps, oui, l'esprit de ce moment si proche de nous et pourtant si loin, retournons en 1990. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, année charnière, l'histoire au tournant. Oui, le cours de l'histoire se penche sur ces années remarquables. Alors, celles qui marquent la chronologie, parce que les historiens ont décidé que cette année-là était particulière, parce qu'elle a été inventée tardivement. Oui, parce que les contemporains eux-mêmes ont senti qu'il se passait quelque chose de particulier. 476, la chute de Rome, 1870, vers l'année terrible, et puis 1520, au début de la Renaissance, au seuil d'un monde nouveau, des émotions à réécouter en ligne sur le site internet le cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast et la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous nous rendons en 1990 pour cette étrange période, oui, cette décennie, ces années 1990, de la fin de tout au début de quelque chose. C'est le sous-titre de votre ouvrage, François Cusset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des idées, professeur à l'Université de Nanterre. Vous avez écrit de nombreux ouvrages à la découverte autour de ces réflexions, de ces idées, avec notamment alors, certains ouvrages évidemment remarqués comme French Theory, Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie, enfin les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, où on oublie souvent à quel point nos penseurs sont influents aux États-Unis. Et puis, en poche, paraît une histoire critique des années 1990, de la fin de tout au début de quelque chose. C'est une réédition aujourd'hui d'un ouvrage qui a paru il y a quelques années à l'occasion d'une exposition, c'est bien cela? Oui, c'est paru en 2014 à l'occasion d'une exposition au Centre Pompidou-Metz sur les années 90 en art, évidemment, sous la direction de Dominique González-Foster et Stéphanie Moidon. Voilà. Et au lieu de faire un catalogue d'art, je leur ai proposé de faire un livre d'histoire, ce que nous avons fait. Oui, ce qui est très malin d'ailleurs, parce que le livre a une durée de vie d'histoire beaucoup plus longue qu'un simple catalogue. Et souvent, un catalogue d'exposition est en fait un livre d'histoire déguisé. Là, vous avez dirigé cet ouvrage qui là de nouveau aujourd'hui. Alors, moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est que cet ouvrage, j'ai envie de dire, fait suite à un autre de vos ouvrages, François Cusset, La décennie, le grand cauchemar des années 1980. C'était aussi à la découverte, un ouvrage qui paraît d'ailleurs de nouveau. Alors, pourquoi passer des années 80 aux années 90? Il y avait une logique de continuité ou ce sont deux approches complètement différentes? Dans l'histoire des années 80 que j'ai écrite, je disais que les années 80 se continuaient jusqu'en 2000, donc avalaient les années 90, et qu'on était peut-être même encore dedans. Donc j'aurais très bien pu me dispenser de ce livre sur les années 90. Non, plus sérieusement, quand j'y repense maintenant, avec ces 20 années de délai, on dirait que les années 90 accomplissent réellement, empiriquement, le programme plus abstrait, plus idéologique, aboyé pendant les années 80. Vous voyez, le néolibéralisme, la fin du communisme, l'individualisme sont des choses encore des espèces de slogans des années 80 et vont vraiment marquer très concrètement le monde, et pas que le nôtre d'ailleurs, les suds du monde aussi, dans les années 90. Donc voilà, c'est un peu, vous voyez, le passage au réel, même si c'est la décennie de l'Internet, comme on sait tous. Oui, oui, oui, c'est ça. C'est une décennie extrêmement particulière, en fait. Et bien sûr, puisqu'elle est très proche de nous, faire de l'histoire de quelque chose qui est de moins en moins du temps présent, hein, il faut le dire, est toujours très particulier. Et à la lecture de votre livre, François Cusset, le livre que vous dirigez, hein, il y a beaucoup de contributions, nous nous rendons compte, hein, que cette lecture que nous pouvons avoir, puisque nous la portons ayant vécu cette période, est différente du regard que l'on peut portée sur ce moment. D'ailleurs, la première édition de cet ouvrage, hein, une histoire critique des années 1990, était en 2014 et aujourd'hui, il paraît de nouveau en 2020. 2020, 2014, ah oui, il y a 6 ans, est-ce que les choses ont changé ? De toute façon, il y a toujours un effet de rétrospection. Les livres continuent à vivre, heureusement, longtemps après leur parution. En le réouvrant aujourd'hui, je trouve vraiment très fortes les perspectives ouvertes par les contributeurs. Donc, comme c'est pas moi qui les ai écrites, je peux le dire. Je dirais, si on veut vraiment se plonger dans notre actualité, pour le coup, pas dans l'histoire, mais dans notre actualité, il est étonnant de constater que les deux phénomènes qui nous obsèdent ces dernières semaines, on en trouve pas la trace, mais carrément la source, l'origine, le contexte dans les années 90. Si on pense au Covid, les crises sanitaires, la pandémie du sida, enfin, vont bouleverser, on va en parler, j'imagine, à la fois la demande publique de santé, les institutions, le rapport entre l'industrie, l'État, etc., et préparer ou mal préparer les gens et notre pays à ce qui est arrivé récemment. Quant au mouvement mondial, parti des États-Unis, très actif en France, en défense des Noirs contre les discriminations, c'est la décennies d'émergence des minorités, les années 90, sous différentes formes, sur le grand écran, en rap, dans des marches gigantesques, dans des émeutes en banlieue, mais aussi dans les pays dits du Sud. Donc en quelque sorte, on a semé les graines de ce qui nous arrive aujourd'hui, vous voyez. Oui, et puis sur cette décennie, les années 1990, il y a une difficulté pour identifier une borne de début. Alors, est-il besoin déjà de l'identifier ? Ça, j'en suis pas sûr, mais c'est vrai que l'année 1989, avec la chute du mur, paraît une évidence. Mais il y a 1991, hein, quand l'URSS s'effondre. Entre les deux, cette année 1990 est très particulière, en fait. C'est un moment presque en suspens. Oui, ce qui est frappant, effectivement, le décennisme n'est pas une science exacte, et surtout est une science absurde, puisque ces périodes de 10 ans sont très arbitraires. Mais entre 89 et 91, il se passe cette chose très étonnante, qui est qu'un discours triomphaliste, mais lui-même un peu stupéfait, en quelque sorte, puisque la chute aussi rapide des régimes communistes à l'Est avait été prévue par personne, tout simplement. Hein, n'oublions pas que dans les années 80, on était en retour de guerre froide, vous voyez, bouclier nucléaire, etc. Donc personne n'avait pu le prévoir. Donc il y a une sorte de discours à la fois triomphateur et perplexe, stupéfait. Ce discours va avoir tort, mais pas en quelques années, en quelques mois. Hein, c'est le discours autour des rapports de Francis Fukuyama aux États-Unis, des livres de François Furet en France. C'est le discours, évidemment, de haine du communisme, mais surtout d'accomplissement d'une sorte de réconciliation idéologique, la fin de la division gauche-droite, et peut-être le retour de la paix, puisqu'on sort de la guerre froide. Retour de la paix en quelques mois, hein, 90-91, début de la guerre civile en Algérie, quand les élections sont annulées, troubles en Afrique qui vont mener quelques années plus tard au génocide rwandais, et premières escarmouches de ce qui va être l'interminable conflit en ex-Yougoslavie, le démantèlement de la Yougoslavie, c'est-à-dire le retour de la guerre tout simplement sur le sol européen. Donc, comme retour de la paix, on a fait mieux. C'est un peu ça, 90-91, pour moi, c'est la gueule de bois, si oui, vous voulez. Oui, c'est très juste. En fait, un peu poussive. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la gueule de bois, c'est vraiment l'expression, parce que la fin de la guerre froide laisse espérer une paix durable. Or, partout dans le monde surgissent des conflits. Et justement, Milena Elig, qui réalise le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Jacques Ezubert, Milena s'est emparée des archives et a réalisé un bricolage sonore et magique. Vous allez voir, il commence par le film, un extrait du film Un monde sans pitié d'Éric Rochand, donc en 1989. Et grâce à Milena, nous allons passer de 1989 à 1990 en croisant Madonna, un président, également le bébé de l'année. Écoutez ça, c'est magnifique. Si au moins on pouvait en vouloir à quelqu'un, si même on pouvait croire qu'on sert à quelque chose, qu'on va quelque part. Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé ? Les lendemains qui chantent ? Le grand marché européen ? On n'a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça c'est pire que tout. Bonsoir, permettez-moi d'ouvrir cette édition en vous présentant tous nos meilleurs vœux pour que cette année 1990 soit heureuse. Une année 1990 que nous allons débuter ensemble en évoquant celle qui vient de se terminer. 1989, les morts de l'année. Imam Khomeini. Georges Simenon. Sergio Leone, Andrei Gromyko. 1789, 1848, 1870, 1914, 1945, 1968. 89, le mur est tombé et le monde a changé. L'Europe, c'est évident, ne sera plus celle que nous connaissons depuis un demi-siècle. Tandis que les moscovites célèbrent le nouvel an sur la place rouge, à la télévision, Mikhail Gorbatchev s'adresse aux téléspectateurs américains et leur parle perestroïka. Des propos auxquels a fait écho le président américain George Bush. À la une également de cette nouvelle année, un vulgaire et malodorant pot de yaourt socialiste. On l'a surnommé Trabi. Et Leslie est également venue au monde en ce jour du 1er janvier 1990. C'est un beau bébé pour terminer ce journal. À Paris, comme partout en France, on a enterré l'année 89 sous des kilos de confettis et de serpentins et quelques litres de boissons diverses. Alors 89 se termine, c'est la fin d'une décennie, les années 80. Et vos souhaits pour 1990 bah, c'est que j'ai plein d'argent en fait. Et que tous les gens soient mieux entre eux quoi. Dépêche Mode, Enjoy the Silence, qui clôt ce module de Milena Elig, une évocation de cette transition entre 1989 et 1990. François Cusset, c'est vrai qu'à la fin de l'année, les journaux, traditionnellement, font un peu le bilan de l'année, et puis il y a la cérémonie des vœux pour l'année qui arrive en 1989 et à l'ouverture de l'année 1990. Et effectivement, cette fois-ci, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça qui est assez particulier sur cette décennie 1990, c'est parce qu'elle est porteuse d'espoir. Et cet espoir est essentiel. Nous allons voir, nous l'avons déjà évoqué, il est très vite déçu. Mais l'espoir peut être là au début de l'année 1990. Oui, les débuts sont logiquement toujours porteurs d'espoir, parce que c'est les débuts. Mais il est très réussi ce petit montage, parce qu'il montre, il rappelle aussi quelque chose d'essentiel, que les années 90 ont porté à leur pinacle, c'est le côté fractionné, hyper fragmentaire et de l'actualité et du discours ambiant, hein, c'est des bribes en fait, on a que des bribes et c'est très bien là-dedans d'entendre l'acteur du Monde sans pitié, je crois que c'est Hippolyte Girardot, nous dire, j'ai noté la phrase, le grand marché européen, ouais, bah, on n'a plus qu'à être amoureux, c'est-à-dire que ce que vous nous offrez ne va pas être à la hauteur, on le sait déjà, donc vous voyez, avec 30 ans de recul, on peut confirmer ce qu'il dit. Oui, il y a un effet voilà rhétorique de d'émettre quelques espoirs, mais on sent bien dans ces bribes là qui ont été sélectionnées que en fait c'est déjà ce qui manque qui pèse beaucoup plus que ce qu'on espère. Hein, si on pouvait en vouloir à quelqu'un, dit aussi Hippolyte Girardot, j'aime bien ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui disparaît avec le clivage droite-gauche, ou en tout cas avec la guerre des deux blocs, hein, atlantique contre communiste, eh ben un ennemi identifiable, nommable, localisable. C'est bien un ennemi, ça réunit un peuple, ça mobilise des résistances, vous voyez, ça fait l'histoire justement. Là, qui ça va être? Les actionnaires, les méchants dictateurs qui vont tomber les uns après les autres, on ne sait pas. Et cette phrase est assez, pour moi, voilà, prophétique au seuil de la décennie 90. Exactement, cet extrait là où on entend qu'est-ce qu'on nous a laissé. Mais oui, qu'est-ce qu'on nous a laissé? Il y a ce sentiment d'attendre quelque chose qui peut exploser. D'ailleurs, François Cusset, dans l'introduction que vous donnez à votre ouvrage, celui que vous dirigez, Une histoire critique des années 1990, vous évoquez immédiatement la difficulté d'étudier une période si proche, et vous écrivez, pour en dresser un panorama, il faut remonter sur les bords du cratère d'où la profondeur s'impose, d'où se mesure la chaleur de la fosse en contrebas, les brûlures du présent, raconter une décennie, se fait depuis ce rebord à l'abri du volcan de l'actuel. Effectivement, il y a la démarche de l'historien également ici, quelle posture adopter pour regarder une période si proche et que vous avez traversé, que vous avez connu, vous êtes sans doute engagé, enfin, il y a quelque chose de soi quand on étudie une période si proche. Oui, évidemment, enfin, c'est cette formule qu'a eu il y a beaucoup plus longtemps Michel Foucault, c'est la formule d'histoire du présent. On aurait tort de croire que parce que c'est le présent, ou disons le passé vraiment récent, il s'agira justement plus de vie réelle, d'affect, de sens, d'archives innombrables. Pas du tout, ça peut paraître aussi justement très lointain. alors même que c'est notre jeunesse, qu'on y a participé, et qu'on y était, qu'on en était, parce que les souvenirs sont trompeurs, parce qu'ils sont justement fractionnés. Donc à tout, voilà, à ces titres-là, c'est pas simple du tout. Mais d'où le parti pris de ce livre. Enfin, c'est un double parti pris. C'est-à-dire, le parti pris, c'est d'écouter les discours ambiants, les discours à la fois idéologiques et les discours culturels, du côté du pouvoir et du côté de la résistance, hein, puisque l'axiome du livre, c'est que la culture, c'est à la fois l'instrument de l'hégémonie et l'instrument de la résistance. Donc on va passer par le cinéma, les séries, la musique, le militantisme pour le sida, la littérature, etc. La contre-culture, les raves, les house. Donc voir dans ces éléments-là comment l'histoire transparaît, comment elle traverse la culture. Donc au lieu d'aller voir des faits historiques, vous voyez, une sorte d'actualité synthétisée, hein, ce serait pour moi une mauvaise histoire, on va plutôt voir ce que pensent les gens de cette décennie, au présent de cette décennie, à travers leur musique favorite, leur rite favori, leur film favori, etc., leur jeu vidéo favori. Ça commence aussi. Voilà, c'est vraiment ça le parti pris, c'est par la culture essayer de comprendre, d'accéder directement aux contradictions très, très réelles, très existentielles de cette drôle de décennie. Oui, drôle de décennie, et d'ailleurs, l'ouvrage s'intitule « Histoire critique des années 1990 », je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas précisé que le mot « critique » est entre parenthèses, une histoire, ouvrez la parenthèse, critique, fermez la parenthèse, des années 1990. Pourquoi ces parenthèses ? C'est plutôt une parenthèse pour dire que ça va de soi. C'est-à-dire que toute histoire, désormais, hein, là aussi, la fin du XXe siècle, c'est celle où on réalise, dans l'université notamment, qu'il y a plusieurs façons de faire l'histoire, que le récit historique n'est pas unique, que, comme disent les proverbes africains, si les récits de chasse étaient racontés par les lions, ils n'auraient pas vraiment la même tenue, ils parleraient d'autre chose. Bref, que une histoire est au pluriel, et que donc il faut critiquer l'histoire officielle. Or, qu'est-ce que c'est que l'histoire officielle des années 90, c'est justement le rapport de Fukuyama, la fin de l'histoire, il n'y a plus d'ennemis, le communisme et le mouvement social sont morts pour l'éternité, et on va pouvoir tous s'enrichir et tous vivre dans une démocratie divertissante et apaisée. Donc, histoire critique, puisqu'on va aller bribe par bribe, thème par thème, contre cette version évidemment ridicule et mensongère de l'histoire. Oui, vous venez d'évoquer hein, cette fin de l'histoire qui a fait fantasmer au début des années 1990, François Cusset. Et justement, l'histoire, c'est l'étude des événements du passé, donc du passé et du temps. Et ce temps est essentiel pour comprendre l'histoire. Et justement, en novembre 1995, un de nos grands penseurs disparaissait volontairement. C'est Gilles Deleuze qui parlait du temps dans des cours qui avaient lieu un tout petit peu avant. C'était en 1986 et 1987. Je crois que vous savez... Une des théories les plus difficiles de Leibniz, c'est la théorie du temps. Et que donc, là, on pose des jalons pour l'avenir quand on en arrivera à ce problème du temps. Et que l'acte libre soit au présent, que l'acte soit fondamentalement au présent. Ça me paraît très, très important. Que l'amplitude de l'âme soit variable dans l'ordre du temps. Mais voir, tout ça, c'est une réalité du temps comme durée qui est très, très importante. La réalité du temps. François Cusset, vous êtes l'auteur de French Theory, donc Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie, c'est le titre. D'entendre Gilles Deleuze, donc, qui évoque le temps, est intéressant pour évoquer les années 1990, où la temporalité est quelque chose d'essentiel. Il y a à la fois la vitesse et puis une sorte d'immobilisme. Oui, alors d'abord, grande émotion à chaque fois qu'on peut entendre la voix de Gilles Deleuze, qui effectivement disparaît au plein milieu de la décennie 90, et dont toute l'œuvre, d'ailleurs dans sa diversité, peut être aussi une entrée en matière pour comprendre l'histoire du présent, moi je trouve. En tout cas, il y a beaucoup de miroirs aux alouettes dans ce rapport au temps dans les années 90. D'abord, donc il y a ces discours de la fin, hein, c'est la fin de tout, on ne sait pas ce qui commence, on sait ce qui finit, hein, la révolution, le mouvement social, la dictature, puisqu'on nous dit que la démocratie l'a emporté partout. Voilà, peut-être même les stars, la pop musique, une fois qu'on aura de la musique sur Internet. Tout va très vite, hein, n'oublions pas que la révolution numérique, c'est d'abord et avant tout une accélération des processus de travail, donc des profits, hein, il y a ce rapport au temps là. Et puis surtout, très concrètement, qu'est-ce que c'est que les années 90? C'est cet insupportable compte à rebours de l'an 2000, hein, symbolisé pour nous en France par le... Enfin, il y en avait beaucoup d'autres, mais l'immense horloge qu'il y avait sur l'esplanade du Centre Pompidou. Donc voilà, compte à rebours millénariste, discours de la fin, vitesse généralisée qui ne dérange personne, alors qu'elle est peut-être justement le début du cauchemar. C'est un drôle de rapport au temps, c'est pas un rapport apaisé, serein au temps. Mais pour revenir sur Deleuze, moi, justement, en repensant à tout ce qui commence, tout ce qui émerge dans les années 90, je trouve que le Deleuze politique, il aide beaucoup à comprendre ce qui se passe. Alors Deleuze, on l'associe rarement à la politique, c'est pas un penseur politique, mais c'est lui qui parlait justement de micro-politique, c'est-à-dire de politiques minoritaires, il en parlait avec Félix Guattari, de politiques qui n'ont pas vocation à rassembler tout le monde, qui sont des politiques d'affirmation de voix opprimées, minoritaires, invisibles, et de construction comme ça de destins locaux, collectifs, qui, voilà, ça peut être les questions féministes en pleine révolution communiste, ça peut être voilà, la défense des Noirs brutalisés par la police dans des démocraties blanches. Enfin, donc à ce titre, on voit que voilà, la notion de politique mineure, de politique minoritaire qu'on trouve chez Deleuze et Guattari, elle est centrale, elle émerge. On la découvre en fait nous en France au cours des années 90. Oui, il y a ce paradoxe hein, des années 90, des années de liberté et qui, dans le concret, ne sont pas des années de liberté. Mais j'ai envie de dire, comme tout, dans ce schéma classique d'analyse du temps, il y a la rupture, la continuité, qui bien souvent sont issues de discours dominants, des constructions intellectuelles plus proches que la réalité. Mais là, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, c'est celle de transition, parce que il est difficile hein, pour les années 1990 de voir des moments particuliers, de toute façon, à tout. Les périodes, il y a des superpositions, mais vous, vous évoquez cette notion de transition, François Cuzet, en la nuançant un petit peu. Vous écrivez « On nous fait toujours le coup de la transition ». Oui, c'est-à-dire que il me semble que c'est une vision systématiquement et toujours fausse, celle de la transition, parce qu'on peut l'appliquer à toutes les périodes historiques. Il suffit de, vous voyez, d'isoler une séquence et vous dites, bah regardez, avant c'était différent, après ça a changé, donc transition. Donc cette espèce de réflexe logique qui fonctionne avec toutes les périodes, il est un peu plus tentant encore quand il s'agit comme ça d'une décennie terminale et d'une décennie dans un monde qui est en train de changer, de fait. Non, je dis que on nous fait le coup de la transition parce que d'écrire l'histoire comme une transition, c'est en fait une façon de nous faire avaler la pilule. Hein, vous avez perdu des choses, des acquis, du passé, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. On dirait un docteur qui nous fait avaler des médicaments. La meilleure démonstration qu'il n'y a pas de transition, qu'il n'y a jamais de transition, ou qu'en tout cas cette... un discours idéologique, celui de la transition, c'est que les choses qui sont censées se terminer ou être terminées dans les années 90, ben en fait, font retour comme des fantômes. C'est une décennie de fantômes, de spectres. Hein. Au moins, les deux extrêmes politiques, les deux totalitarismes du XXe siècle, qui ont été le communisme soviétique et le nazisme, font retour, en fait, tout le temps, pendant cette décennie. Le communisme n'est pas mort, puisque ce qui est mort, c'est sa version justement dictatoriale, totalitaire, mais l'espoir social, le mouvement social, la capacité des peuples, des masses à réagir à des injustices, elle va ne cesser de s'affirmer. Hein. On sait qu'à partir de 95-96, la deuxième moitié de la décennie, c'est une moitié de réveil, de mobilisation, de renouvellement de la politique. Quant à l'idée que la Deuxième Guerre mondiale, on peut enfin dire que c'est terminé, c'est la décennie des fantômes, c'est la décennie des procès, des leaders du gouvernement de Vichy qui ont déporté les Juifs, c'est la décennie où on découvre que Mitterrand en a fait partie de ce gouvernement de Vichy, c'est la décennie où le Front National remporte des villes et des élections et s'affirme comme une force tout à fait actuelle, pas du tout du passé. Donc en gros, les fantômes qu'on nous racontait morts sont plutôt des morts vivants, plus vivants que morts, et c'est en ça qu'il n'y a pas de transition, c'est-à-dire que ce qu'on nous raconte terminé va nous hanter, va grouiller sous terre, va émerger hein, comme des morts vivants ou des taupes ici et là, donc en vérité il n'y a pas un avant et un après nettement séparés, il y a cette histoire de hantise qui est pour moi le grand phénomène de la décennie 90. Et puis nettement la résurgence du passé apparaît lors des conflits, c'est le cas en Yougoslavie, Yougoslavie, en Yougoslavie où des questionnements séculaires sont dans l'actualité que l'on pensait complètement effacés grâce à un monde parfait, c'est la fin de l'histoire, c'est la mondialisation et il n'y aura plus de guerre. Or, en Yougoslavie, la guerre surgit. Écoutons Interactualité du 25 juin 1991. L'instant de tous les dangers en Yougoslavie, il y a quelques minutes, proclamation d'indépendance et de souveraineté de la Croatie, une autre grande république, la Slovénie, prépare également ce qu'il faut bien appeler une sécession, avec tous les risques de conflit que ça comporte entre les Serbes et les Croates, et sur ce plan-là, pourtant, Annie Daubenton, on a déjà donné. Effectivement, et ce n'est pas innocent si James Baker, en visite à Belgrade la semaine dernière, a rappelé le rôle joué par la fameuse poudrière des Balkans dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Le secrétaire d'État américain ajoutant même « on craint que l'histoire ne se répète ». Pas étonnante non plus la réaction soviétique aux événements actuels, le chef de la diplomatie du Kremlin, cette fois faisant part de ses craintes d'une guerre civile au cœur de l'Europe, même si l'on voit bien que c'est moins à l'histoire que l'Union soviétique se réfère qu'à sa propre situation intérieure. Pourtant, en ce qui concerne la Yougoslavie, et quel que soit le caractère inquiétant des journées qui vont suivre, il faut bien voir tout ce que ces proclamations ont de formel. Bien sûr, des gardes-frontières vont être installés, bien sûr, et plus que jamais, la situation intérieure yougoslave est bloquée, mais sans doute le vrai danger est-il là, davantage dans une union qui a vécu et qui ne parvient pas à trouver une nouvelle forme d'association que dans les fantômes d'un paysage des Balkans qui est, quoi qu'on en dise, évanoui depuis des décennies. Interactualité en juin 1991 à propos du conflit en Yougoslavie avec ce vocabulaire, hein, poudrière des Balkans, l'histoire se répète, etc. François Cusset, il y a quelque chose d'évident pour, alors j'allais dire les contemporains de 1990, mais c'est presque nous, c'est de voir surgir dans le débat public, dans l'actualité, une large temporalité. Ces années 90, en fait, sont tellement difficiles à saisir que là où on ne l'attendait pas, ressurgit le passé. Oui, on parlait effectivement de, enfin, des, voilà, des dates charnières et des symboles un peu faciles. Pour le coup, c'est plutôt un symbole non pas de décennies, mais de fin du XXe siècle. On pourrait dire que le XXe siècle commence sur un pont sur la petite rivière qui traverse Sarajevo, le pont sur lequel l'archiduc François Joseph est assassiné. Ça déclenche la Première Guerre mondiale, on se souvient. Et sur ce même pont, figurez-vous, il y a cette, c'est pas une anecdote, c'est une tragédie, mais enfin, elle va enflammer le début de l'Internet, les médias et les opinions publiques en Europe, c'est ce jeune Serbe qui doit retrouver justement son ami bosniaque pour quitter la zone de Sarajevo et pouvoir être accueilli dans un autre pays. Et ils vont être tous les deux abattus par des snipers devant des caméras sur le même pont, vous voyez, 93, 94, je ne sais pas exactement. Le voilà, le XXe siècle. Hein. Il commence et il finit sur le même pont d'une ville de Bosnie. Donc effectivement, il y a plutôt une sorte de ressassement des fantômes impossibles à évacuer, des logiques nationales, identitaires, fortes, qui continuent à grouiller souterrainement. Et puis il ne faut pas oublier que la période dite communiste, c'est surtout une période de chape de plomb imposée à des affirmations nationales ou identitaires qui ont dû se taire pendant des décennies, justement. Et dès que vous enlevez la chape, et ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'affirment, elles crient tout ce qu'elles n'ont pas pu dire pendant des décennies, et ça donne évidemment des extrémismes ou des conflits ouverts, comme dans cette ex-Yougoslavie. Il est évident que ce qui n'a pas eu lieu, du coup, peut s'exprimer, et que les fantômes, là aussi, l'emportent en quelque sorte sur la nouveauté. Hein. Il n'y a pas plus répétitif, en quelque sorte, que cette poudrière des Balkans dans l'histoire moderne de l'Europe. Donc oui, on y revient toujours. On y revient toujours de la fin, de tout au début de quelque chose. C'est le sous-titre de votre ouvrage, François Cusset, une histoire critique des années 1990. Et puisque nous parlons de 1990, je vous propose ce qui est à la fois un document historique et un véritable moment de plaisir. C'est Jean Leloup qui chante 1990. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Nous avons vu l'apparition du moteur format explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutron qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois. devrait nous laisser tous gaga. Il y a les missiles patriotes dirigés par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh. Se culbute dans les airs le rush, la guerre technologique fait rage. C'est un super méga carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Jean Leloup qui chante 1990 dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Vudès, Camille André, Camille Rijade et Amélie Perrault. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, une histoire critique des années 1990 avec vous, François Cusset. Cette histoire critique des années 1990 est sous-titrée de la fin de tout. Nous voyons bien cette fin de tout, vous nous l'avez expliqué. C'est le début de quelque chose qui est intéressant. Il y a un début de quelque chose et dans la chanson de Jean Leloup, il y a plein de choses évoquées. Alors, 1990, cette année particulière, médiatisation, conscientisation. Cette approche que nous faisons par la chanson de cette décennie est intéressante parce que c'est par là aussi que l'historien peut saisir l'air du temps, par la culture. Beaucoup plus, en fait, nous sommes bien d'accord, que par le discours. Là, nous avons un document historique viable. Oui, évidemment. De toute façon, il n'y a pas d'autre. Comme disait Walter Benjamin, les documents historiques sont aussi des documents de barbarie, précisément parce que ceux qui s'expriment en chansons, en livres, sur des écrans, voilà, on a là le meilleur comme le pire. Mais ça a été pour tous les contributeurs de ce livre, voilà, l'archive exclusive. On est vraiment parti des formes d'expression. Faut pas oublier que les années 90, c'est des années de contre-culture majeures. La house, la techno, le rap, les films sur les banlieues, etc. Et c'est des années d'invention de notre culture mainstream d'aujourd'hui. Hein. Je revoyais par exemple que 95, c'est l'année où démarre la série Urgence et la série Friends aux États-Unis. Vous voyez, enfin, bon, donc ce genre-là apparaît. Donc il était évident que on est obligé de passer par la culture pour comprendre ce qui nous est arrivé, mais encore une fois la culture au sens de conflit, hein. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux immenses de pouvoir, d'hégémonie et qu'il y a aussi des résistances. On ne sait pas ce qui vous disiez, on ne sait pas ce qui commence. C'est exactement ça, moi, qui m'a intéressé dans cette période, c'est que on sait ce qui se termine, on ne sait pas ce qui commence. Et d'ailleurs, on a du mal à le nommer. Je dirais même que 25 ans plus tard, on a toujours autant de mal à le nommer, ce qui a commencé à ce moment-là, dans lequel on est encore, que ce soit ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les politiques mineures, minoritaires, qu'est-ce que c'est que se battre pour la justice sociale ou universelle, mais en tant que minorité opprimée, hein, minorité sexuelle, minorité ethnique, minorité géopolitique ou religieuse. Donc ça voilà, c'est la décennie de ça. N'oublions pas que, par exemple, pour moi c'est une date très importante, 94, c'est l'affirmation au Chiapas, au Mexique, des apatistes, hein, leur révolution. Ils vont créer une sorte de gouvernement collectif et donner une leçon au nord du monde, à l'Occident, en disant, voilà, c'est possible, nous on le fait, vous le faites plus, nous on fait ça. Ce qui commence, c'est aussi, évidemment, ça n'a rien à voir, cette nouvelle ère technique et culturelle dans laquelle on rentre avec Internet, avec les premiers, les premiers accès, les premières connexions, hein, c'est le début, hein. N'oublions pas qu'en 2000, c'est une minorité de foyers dans les pays riches qui sont connectés à Internet, pas encore une majorité, mais les grands enjeux de qu'est-ce qu'on va en faire de cet espace, qu'est-ce que ça sera un espace pour des majors commerciaux, publicitaires qui vont nous vendre ceci et cela, ou est-ce que ce sera un espace d'expression, de résistance, d'interactivité? Ce débat-là, il traverse, il déchire en fait la décennie 90. On est complètement dedans. On a du mal à nommer, oui, ce qui commence là, et cette difficulté, ce malaise à désigner ce qui émerge, c'est ce qui rend passionnante cette tâche d'histoire contemporaine sur les années 90. Oui, une tâche d'histoire contemporaine passionnante. Vous évoquez, François Cusset, Internet. Alors c'est vrai que les chiffres sont incroyables, de se dire qu'au début des années 1990, ce sont des dizaines, allez, peut-être une centaine de milliers d'ordinateurs connectés. Et puis nous savons ce qu'est devenu aujourd'hui ce monde incroyable, cette toile. Juste un petit tour sur le journal télévisé de France 2, c'est le 20h. Nous étions sans doute sur Antenne 2 en 1995. C'était en février, le 6 février 1995. Mais qu'est-ce que sont ces autoroutes de l'information ? Bienvenue dans le monde d'Internet. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés au sens propre qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. Internet a été créé dans les années 60 par les militaires américains. Puis les universitaires se sont connectés. Un réseau informatique reliant des ordinateurs dans le monde entier s'est alors développé. Pour y avoir accès, il suffit de disposer d'un micro-ordinateur et de souscrire un abonnement environ 250 francs par mois. Vous pouvez alors communiquer avec la planète. Exemple, avec Bill Clinton, le président américain reçoit tous vos messages et la Maison Blanche y répond. Au-delà de cette messagerie universelle, on trouve tout sur Internet. Quasiment tout ce que les hommes ont écrit ou photographié au cours des 50 dernières années, y compris un bon nombre de reproductions de choses plus anciennes, y compris des informations touristiques, des informations de jeux, l'art et la manière de commander une pizza, la filmographie de Bertrand Caster, le plan du shopping à Singapour, quasiment tout. Nous étions en 1995 dans le journal de la deuxième chaîne de la télévision française à propos d'Internet. François Cusset, en lisant votre ouvrage sur l'histoire critique des années 1990, j'ai ressenti un sentiment de liberté dans ces années-là, en tout cas une liberté qui est proposée, cette liberté qui fait que puisqu'il n'y a plus de blocs, la circulation semble facilitée, Internet, plus de liberté. Et en réalité, cette liberté est contrainte. Il y a vraiment cette lutte, en fait, entre une impression, sans doute, que les contemporains ont ressentie, et très vite, le ressenti de l'impossibilité de profiter de cette liberté. Oui, et de ce point de vue-là, l'émergence d'Internet est une réduction en microcosme de cette logique générale que vous décrivez très bien. C'est-à-dire qu'on voit très bien autour de la naissance comme ça d'Internet, enfin du World Wide Web et de sa généralisation pendant ces 10 années, qu'il y a là un potentiel créatif, subversif, de nouveautés réelles, de rapports plus latéraux, plus égaux, plus démocratiques, voilà, et qu'en fait ça va échouer parce qu'il y a aussi des intérêts économiques et politiques majeurs. Finalement, les gagnants de l'Internet, c'est pas vraiment les grands États, parce qu'ils ont beau parler d'autoroute de l'information, hein, comme Clinton et son vice-président Al Gore, en vérité, ils vont être dépassés et devoir effectivement laisser se déployer, se développer l'Internet sans contrôle, mais plutôt les majors, les grands groupes de la décennie suivante, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM, qui naissent à peu près à ce moment-là, hein, Amazon en 95, Google en 98, et qui vont en quelque sorte étouffer la période de grande liberté d'expression sur les réseaux. Internet, c'est, comme le montre très bien le papier là dans notre livre de Xavier Delaporte, le bébé d'un drôle de couple qui est le couple libertaire-libéral, qui est le couple finalement de... Enfin, couple, qui en tout cas la génération américaine venue des années 60, de la contestation, de la Californie, Flower Power, qui a rencontré dans la même génération les investisseurs, les business angels, l'argent et les grandes multinationales de la com. Et c'est finalement le mariage contre nature, ou peut-être naturel, diront les pessimistes, entre le libertaire et le super-libéral ou néo-libéral qui donne la culture d'Internet, l'esprit général de la révolution numérique, et qui fait qu'elle, en quelque sorte, nous est confisquée, enfin se termine moins bien qu'elle n'a commencé, et que si Google est créé à la fin de cette décennie, c'est un signe que les libertés du début, complètement de science-fiction, très bizarre, très étrange, ne dureront pas éternellement. Mais enfin, souvenons-nous, pour finir sur cette histoire d'Internet, que à cette époque-là, enfin, on se souvient même pas, c'était pas du tout la même technologie. On avait des disquettes, on avait des modems, on avait des connexions extrêmement lentes et faibles, et on faisait sur ces écrans beaucoup moins de choses qu'on en fait aujourd'hui. Ah oui, c'était net. Oui, pour ceux qui s'en souviennent, et on s'en souvient, c'était beaucoup plus lent. Mais il y a ce jeu, en fait, François Cusset, sans cesse entre cette liberté qui est sans cesse confisquée, donc Internet et les grands groupes qui apparaissent, des formes de culture, alors un peu contestataire, mais très vite récupéré. C'est vrai que nous sommes dans des moments où il y a des émeutes aux États-Unis, où notamment la population noire américaine se soulève. Et on se souvient vraiment de ces émeutes de Los Angeles au début de cette décennie. Mais très vite, également, il y a une récupération de ces formes culturelles. C'est un jeu, un va-et-vient, et vous l'avez très bien dit, entre le côté libertaire et libéral. Oui, alors, bon, ça, ce phénomène-là, évidemment pas propre aux années 90, c'est un phénomène passionnant et majeur, propre à, je dirais, à la culture moderne presque, hein, c'est-à-dire que les avant-gardes, les positions les plus subversives, les plus directement hostiles à l'ordre dominant, souvent finissent en best-seller, en blockbuster ou en album de musique assagie, si vous voulez. Et ce phénomène-là, on le voit en réduction dans les années 90, parce qu'il y a évidemment une contre-culture forte, mais là aussi, difficile à nommer, à localiser. C'est pas comme les années 60 où on peut dire facilement que voilà que le féminisme, le mouvement gay, le rock'n'roll ou le reggae sont des formes contestataires. Dans les années 90, c'est moins facile à dire puisque la music house, les raves, les free parties, ces semaines entières de danse dans des endroits où on n'a pas été autorisé à danser et où on prend des petites pilules, vont être une affirmation subversive très forte, une forme de corps collectif, de corps commun, puisqu'on est tous ensemble, mais vont donner aussi, dans la deuxième moitié de la décennie, eh ben, le phénomène des boîtes de nuit géantes, où on va écouter la même musique, faire les mêmes choses, mais en payant une entrée assez élevée, et en enrichissant plein de monde. Donc, vous voyez, le phénomène qui, au début de la décennie, est un phénomène de contestation, le même, à la fin de la décennie, est un phénomène récupéré, réapproprié. Donc, voilà, cette logique-là, elle a toujours existé, elle est très forte dans les années 90, elle existe là aussi en ligne, hein, sur Internet. Mais attention, ne jamais croire, parce que c'est ce que croient là aussi les pessimistes, ou ceux qui regardent un peu vite, que l'ensemble du souffle contestataire a été en quelque sorte gobé, avalé et réapproprié. C'est plutôt que cet avalage, si j'ose dire, mon image est mauvaise, laisse toujours des restes. Hein, il y a des trucs qui sont pas comestibles, qui sont pas ingérables, que l'on peut pas reproduire en best-seller, en blockbuster ou en album à succès, et qui donc continuent de germer, d'essaimer. Et donc il y a une subversion venue des années 90 qui reste très active aujourd'hui dans tous les domaines, en BD, en avant-garde visuelle, artistique, dans les séries, en musique, etc. Oui, et dans les films aussi. En 1998 sort le film Jeanne et le garçon formidable d'Olivier Ducastel et de Jacques Martineau, qui est un film extrêmement intéressant parce que il traverse plein de thèmes de la période. Il y a évidemment le sida, l'homosexualité, il y a les sans-papiers dans ce film, il y a beaucoup d'évocations de cette ère du temps qu'il est si difficile à saisir, et notamment dans Jeanne et le garçon formidable, il y a une chanson, c'est La vie à crédit, un nouveau monde s'ouvre à nous. Dans notre société, consommer, c'est facile, on peut tout acheter, un frigo. Si t'as pas la monnaie, tu empruntes à la banque. On va pas se priver si quelque chose nous manque. La télévision et son magnétoscope. À crédit, à crédit. Le réfrigérateur, la loge, le caméscope. À crédit, à crédit. Le four à micro-ondes. Le séchoir électronique. Le cuitoir à vapeur. Et le shaker électrique. À crédit, à crédit. C'est charmant la vie à tempérament. Un extrait de Jeanne et le garçon formidable. Oui, ce monde qui s'ouvre à nous, ce monde magnifique, est un monde extrêmement complexe. Dans ce film Jeanne et le garçon formidable, il y a le sida, le drame du sida. Et puis, il y a cette vie plein d'espoir avec le crédit. C'est le problème, hein, c'est la difficulté plus que le problème d'étudier une décennie, François Cusset. C'est qu'il faut embrasser tout pour toucher à cette ère du temps. Cette ère du temps est difficile à saisir, mais tout est relié à tout. C'est en ça que j'évoquais ce film Jeanne et le garçon formidable, c'est que il y a malgré tout une cohérence. Oui, alors évidemment, c'est le crédit, ça aussi, c'est pas nouveau, hein. Vieille affaire. On avait l'impression d'entendre la chanson de Boris Vian, hein, Gudule, épouse-moi. Ce qui est sûr plus sérieusement, puisque c'est un peu les thèmes du film, c'est que les deux phénomènes les plus sombres, les plus tragiques, les plus graves de cette décennie, hein, dont les conséquences sont encore très sensibles aujourd'hui, sont évidemment, et en tout premier lieu, la pandémie du sida, puisque souvenons-nous qu'on est entre la période où il y a une prise de conscience publique de cette maladie, hein, fin des années 80, et la période de généralisation des trithérapies, qui sont pas une solution complète, mais permettent d'éviter de mourir du sida. Donc vraiment, les 10 années des années 90, exactement entre les deux, donc c'est le moment où ça explose, et où de fait, ça va tuer une vingtaine de millions de personnes en une décennie, hein, plus de 40 millions aujourd'hui, hein, presque le bilan de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est quand même voilà d'autres chiffres que le Covid, et surtout un changement de société, puisque autour de ces questions des rapports de force entre les grands laboratoires qui cherchent un médicament, entre les associations de malades qui veulent exister, avoir voix au chapitre, entre les États qui sont plus ou moins actifs dans la lutte contre la maladie, il y a un rapport de force qui se met en place à cette époque-là et qui est encore le nôtre aujourd'hui, plus ou moins d'ailleurs dysfonctionnel, mais c'est la grande tragédie. L'autre, c'est pas une tragédie, l'autre c'est une lame de fond, il y a sûrement un rapport entre les deux qui est justement la mondialisation, qui est justement la dissémination hein, d'un virus comme du deuxième phénomène, qui est le capitalisme financier, financiarisation du monde. La dernière contribution de notre livre est de Frédéric Lordon, et il nous explique très bien comment les années 90 ont en fait imposé sur la Terre entière, puisqu'il n'y avait plus d'exception désormais, plus de territoire indemne, un capitalisme actionnarial, un capitalisme où c'est des actionnaires, des millions de gens sans nom et sans visage et sans volonté collective, qui sont les bénéficiaires des transactions économiques, et non plus voilà un capitalisme familial à l'ancienne, un peu plus facile à désigner, à localiser. Donc voilà, financiarisation de l'économie avec tous les ravages que ça a fait et que ça va faire avec les crises du début du 21e siècle, et dissémination du virus le plus mortel de l'ère moderne avec le sida. Donc c'est double lame de fond donne évidemment une vision un peu plus sombre de ces années 90 que les Spice Girls et que tout ça, même si nous aimons beaucoup les Spice Girls, faut le dire dans le cours de l'histoire, on les a beaucoup écoutés en préparant cette émission. François Cusset, vous avez écrit La décennie, le grand cauchemar des années 1980, et vous nous avez expliqué que la logique d'analyse vous a conduit à écrire une histoire critique des années 1990, parce que il y a toujours l'amorce d'une autre période, hein, vous l'écrivez bien, hein, qu'il y a toujours cette volonté de jouer sur la notion d'avant, d'après. Et justement, dans la livraison que vous faites, dans le livre que vous dirigez, vous parlez de la fabrication de l'islamophobie dans les années 1990. Oui, ça fait partie des phénomènes là aussi majeurs pour nous. Bon, après, faut pas que ça soit franco-français, parce que ces phénomènes sont mondiaux. Mais il y a au fur et à mesure de la décennie 90 plusieurs affaires dites du voile. Hein, du voile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça paraît évident, mais à l'époque c'était absolument neuf. C'est-à-dire que des principaux de collèges s'opposent au nom de textes légaux à ce que des élèves musulmanes portent le voile, et ça donne des débats nationaux extrêmement hostile, âpre. Hein. Souvenons-nous qu'il y a des intellectuels qu'on croyait modérés qui disent si l'éducation nationale n'interdit pas ce voile, ce serait un Munich de l'école républicaine, c'est-à-dire qu'il compare directement l'islam et Hitler, hein, ambiance début des années 90. Donc voilà, ce délire-là qui fait l'islamophobie française, bon, et c'est une vieille question historique que celle du rapport complexe, colonial, conflictuel de la France et de l'islam. Elle explose, oui, dans les années 90. Elle explose d'ailleurs en banlieue. Il y a beaucoup d'émeutes. Elle a du mal à s'affirmer culturellement encore, hein, mais elle commence à le faire. Donc oui, l'islamophobie, c'est une fabrication d'idéologues, c'est une fabrication médiatique, mais c'est aussi une réaction de la vieille puissance coloniale française à ses minorités, hein, et aux millions de musulmans qui la peuplent. Donc autre vision, effectivement, tout à fait problématique, conflictuelle, sombre de cette décennie dont on ne peut pas évoquer hein, tous les aspects, le génocide au Rwanda qui est essentiel malgré tout. Mais moi, ce qui m'intéresse là, François Cusset, c'est de savoir, vu que nous consacrons une semaine à cette notion d'année charnière, si vous identifiez une année charnière, alors 1989, la chute du mur, 91, la fin de l'URSS ou à un autre moment. C'est vraiment pas facile. J'ai essayé de voilà d'y réfléchir. Je trouve pas de solution. Je vous dirais par défaut et un peu facilement, tout simplement le mi-temps de la décennie, l'année 95 ou plus exactement la charnière 94-95, pour une raison générale qui est que les lames de fond dont on parlait, qui ont commencé avant la décennie 90, hein, le néolibéralisme, les grandes tragédies d'époque, SIDA, guerre civile, mais aussi l'affirmation des minorités. Enfin, tous ces phénomènes-là, il va y avoir l'émergence d'une résistance à ces lames de fond, d'une voix collective qu'on n'arrive pas encore à localiser, là aussi, qui n'a pas de parti, de représentation politique, de porte-parole, mais qui existe, qui grouille comme ça dans la société, pas seulement française, mais dans toutes les sociétés, puisque c'est aussi l'émergence des suds du monde. Et on la voit vraiment s'affirmer dans la séquence 94-95. Moi, j'en veux pour preuve voilà, des albums de rap, Paris sous les bombes de NTM, qui est condamné en justice parce que il attaque la police. Vous avez vu comme c'est actuel, ça, cette affaire. Le film La Haine de Mathieu Kassovitz ou État des lieux de Jean-François Richet qui donne enfin une vision de la banlieue depuis la banlieue. La première Gay Pride avant là aussi sa récupération commerciale qui est une forme d'affirmation forte. Et évidemment le mouvement social le plus important depuis mai 68 qui est déclenché à l'automne 95 par le projet de réforme des retraites. Tiens, ça vous dit quelque chose? C'était le début de cette année, je crois, non? Mais sauf que là, c'était Alain Juppé et pas Édouard Philippe. Voilà, donc vous voyez, il y a réveil un peu hirsute, un peu désorganisé, un peu sans représentant, un peu bordélique, mais réveil d'une résistance populaire et sociale qui va animer quand même fortement la deuxième moitié de la décennie et connaître un coup d'arrêt brutal le 11 septembre 2001 quand les élites mondiales vont dire changement de paradigme et de logiciel, c'est fini, la gauche, la droite, les guerres sociales, maintenant on fait la guerre pour la civilisation. Mais ça, c'est la décennie suivante. C'est la décennie suivante, effectivement. François Cusset, dans votre introduction à votre ouvrage, hein, une histoire critique des années 1990, vous évoquez une décennie fumeuse, mais notamment à cause des gaz lacrymogènes. Il ne faut pas oublier 1995 et les mouvements sociaux. Non, ce n'était donc pas la fin des luttes sociales qui continuent aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, François Cusset, pour ce regard sur les années 1990. Merci. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission à réécouter sur le site internet franceculture.fr et puis à réécouter en podcast. C'est la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire où vraiment vous êtes nombreux et ce qui fait drôlement plaisir. Demain, nous partons sur du temps très présent. Oui, 2020, regard d'historien sur le présent, un présent qu'il faut archiver, mais comment? Et puis un regard évident sur l'actualité de l'histoire, l'histoire. Alors là, vraiment au cœur de notre actualité, des histoires de statues et des histoires de penseurs qui nous ont quittés. Nous allons évoquer Zef Steinel.